La légende raconte qu'il y a très longtemps, trois sources sont nées et ont ressenti l'appel de la mer. Toutes les trois voulaient aller à la mer le plus tôt possible, car de cette façon, elles recevraient un grand trésor. Alors, elles décidèrent de partir ensemble pour le partager. Ainsi, les trois commencèrent leur voyage ensemble vers la mer, en devenant la rivière Sœur, Lando et Omé. Alors qu'elles avaient déjà fait une bonne descente et que la nuit commençait à tomber, les trois rivières sentirent que leur force manquait et ils convinrent qu'elles feraient une petite sieste avant de reprendre leur promenade et que la première à se réveiller avertirait les autres pour continuer le voyage ensemble vers la mer. Néanmoins, Anduvel, la déesse celtique des eaux endormies, d'ombre et de la nuit, apparut et réveilla Sœur en lui disant de partir seule, tranquillement, sans ses compagnons vers la mer Cantabrique. Et Sœur, aveuglée par l'avidité d'attendre la ligne d'arrivée en premier lieu, partit sans s'attendre. Lorsque la rivière Sœur partit, Anduvel fit de la même manière avec Landro, qui tomba également dans la tentation de la déesse celtique et quitta Slendero pour embrasser la mer Cantabrique. Le lendemain matin, lorsque le messe se réveilla, elle vit que les autres rivières l'avaient trompée et était déjà parti. Il demanda l'aide d'Endovelicus, le dieu ancestral du feu et de la lumière, et celui-ci l'aida à arriver le plus tôt possible. L'homme enragé suivit la lumière d'Endovelico vers les golfes d'Artabro de manière rapide et sans repos, pendant 60 kilomètres, sautant par-dessous tout ce qui se présentait devant lui. L'homme a été le premier des trois à attendre la mer, en laissant derrière lui des beaux paysages comme les fragasses de Homé et recevant aussi comme trésor beaucoup de poissons et des créatures extraordinaires, parmi lesquelles nous pouvons trouver les sirènes qui seront également des protagonistes de cet itinéraire.